La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Lorsque le 16 juillet 1945, Oppenheimer, le directeur scientifique en charge de la production de la première bombe atomique, assiste au premier essai dans le désert du Nouveau-Mexique, la vue de l'immense champignon atomique lui évoque immédiatement la Bhagavad Gita, le texte indien vieux de plus de 2000 ans qui inspira également Gandhi, Einstein, Thoreau, Mandela et avant eux les romantiques allemands. Alors qu'est-ce qui, dans ce court texte racontant l'apparition du dieu Krishna au guerrier Arjuna sur un champ de bataille, lui confère une telle portée universelle? De l'Apocalypse à la Renaissance, bienvenue dans le monde fabuleux et glaçant de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes ont ri, quelques autres ont pleuré, la plupart restaient silencieux. Je me suis rappelé la phrase du Bhagavad Gita. Quand Vishnu essayait de convaincre le prince de faire son devoir, et pour l'impressionner, se montre sous sa forme aux bras multiples et lui dit : maintenant je deviens la mort, le destructeur de monde. Just believe in me. Yoko and me. And that's reality. The dream is over. What can I say? Se terminer, oui, de la voix d'Oppenheimer à celle de John Lennon, nous sommes déjà au cœur de la réception contemporaine de la Bhagavad Gita. Bonjour Raphaël Voix. Bonjour Adèle Vendrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ethnologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez travaillé, enfin votre thèse de doctorat portait sur dévotion, ascèse et violence mais dans l'hindouisme sectaire. Et vous poussez le professionnalisme tellement loin que vous êtes aujourd'hui en direct avec nous depuis Pondichéry. Absolument, à quelques centaines de mètres de l'ashram de Sri Aurobindo, qui est, on le verra, une des figures contemporaines importantes dans la diffusion de la Bhagavad Gita. C'est ça, alors c'est justement le sujet de cette émission aujourd'hui. On a passé la semaine avec ce texte depuis lundi à proposer des lectures précises. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ouverture de ce texte. Comment a-t-il été reçu jusqu'à aujourd'hui, et notamment sur la dimension, disons, internationale, si ce n'est universelle. Entendre à la fois le témoignage d'Oppenheimer, qui cite la Bhagavad Gita lorsqu'il revient sur ce premier essai de bombe atomique, et puis celle de John Lennon, nous donne un aperçu de la manière dont ce texte a pu être ressaisi dans un sens, celui de la violence, comme dans un autre, celui de la paix. Oui, et puis à ce détail près que si vous écoutez la chanson de John Lennon, effectivement, vous venez de passer, il dit « I don't believe in Gita ». Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça révèle une certaine forme d'ambivalence dans la réception de ce texte. Certains y voyant un texte sectaires, d'autres y voyant une œuvre beaucoup plus universelle. Et cette universalité repose, disons, sur une réception qui s'est faite depuis environ 2 siècles de cette œuvre à partir de l'Inde et dans des échanges transnationaux avec l'Europe et les États-Unis. Mais peut-être, effectivement, il y a un petit décalage, peut-être pour comprendre comment cette œuvre a pu être reçue de manière internationale, comme vous le dites, il faut évoquer rapidement quelques caractéristiques de cette œuvre. Car c'est une œuvre qui, bien sûr, est ancrée dans un milieu social spécifique, philosophique, historique, qui répond à des questions de son temps. Elle est née aux alentours de l'ère chrétienne, un petit peu avant, peut-être. Et elle est, au départ, le fait d'un mouvement, disons, sectaire, c'est-à-dire d'un mouvement qui va prôner la dévotion à Krishna. Mais très vite, elle gagne un statut qui dépasse cela. Et on se rappelle peut-être de ce que Sylvia Dintino nous a exposé brillamment il y a 2 jours. Oui, mardi dernier, c'était notre invité. Mardi, voilà. C'est que les textes hindous ont été, disons, divisés en deux grands types de textes. Des textes qui sont considérés comme révélés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'origine et donc qui n'ont pas d'auteur. Et le fait qu'ils n'ont pas d'auteur fait que on va pouvoir, qu'ils n'ont pas d'auteur humain, fait qu'on va pouvoir se référer à eux sans chercher forcément à trouver les intentions de l'auteur. Et c'est des textes qui vont faire autorité. Alors, ces textes, c'est les Védas. Et puis, un autre type de texte auquel appartient la Bhagavad Gita, ce sont des textes qu'on appelle de la tradition, et qui sont des textes qui ont un auteur humain. Eh bien, la Bhagavad Gita, elle fait partie de ce deuxième ensemble de textes, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus accessible, parce qu'elle va pouvoir être traduite dans des langues vernaculaires beaucoup plus tôt, tandis que les textes révélés, eux, sont l'exclusivité d'un groupe social particulier en Inde, les brahmanes, qui vont être chargés de transmettre leur enseignement. La Bhagavad Gita, elle dispose de cette possibilité d'être transmise dans des langues vernaculaires et donc de gagner en popularité. Mais en même temps, très vite, on va lui conférer un statut presque aussi élevé qu'un texte révélé. Et donc d'un texte apurusheya, sans auteur humain. Et donc on va pouvoir la traduire, la commenter, sans chercher nécessairement à faire référence aux intentions de l'auteur, et donc chercher à trouver dans ce texte des vérités qui sont essentielles pour l'auteur du commentaire. Vous voulez donc dire, ça, c'est ouais. important déjà. C'est ça. Ça veut dire, ça explique en partie la popularité du texte, mais avant même d'en arriver à la sphère internationale, y compris auprès des Indiens eux-mêmes, cette classification entre les textes humains et non humains et le fait que ce texte-là, la Bhagavad Gita, soit classé du côté des textes humains, eh bien permet d'expliquer peut-être l'accessibilité et la popularité de ce texte au sein de la culture indienne. Exactement. Et également, il y a une autre caractéristique de ce texte, c'est que c'est un texte en sanskrit, et que le sanskrit, pour des raisons linguistiques, est une langue qui va permettre en fait d'avoir des traductions très différentes, parce qu'il y a des caractéristiques lexicales et syntaxiques de cette langue qui vont permettre une diversité interprétative. Mm-hmm. Et donc, on va avoir un texte qui va permettre d'ouvrir des interprétations différentes à partir de même termes. Et puis enfin, peut-être dernière caractéristique qui est importante pour comprendre comment cette Bhagavad Gita va pouvoir traverser les siècles et finalement faire sens pour des gens qui viennent de régions en Inde différentes, de cultures religieuses en Inde différentes, et puis après, beaucoup plus tard, qui vont faire sens pour des gens qui viennent d'aires culturelles différentes, l'Europe, les États-Unis, eh bien, c'est le fait que c'est un texte qui lui-même, en son sein, propose des énoncés philosophiques très différents. Parce qu'il répond à l'époque à un grand questionnement sur savoir s'il faut sacrifier, s'il faut agir dans le monde, ce qui est le centre même du Veda, ou s'il faut au contraire chercher à se retirer de l'action. Et la Bhagavad Gita va proposer une sorte de troisième voie, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, qui consiste à renoncer tout en étant dans l'action. Et donc, elle va proposer au fond des voies très, très différentes. Donc, il y a en son sein des enseignements qui sont eux-mêmes différents et qui vont permettre donc de correspondre à des attentes, à des aspirations différentes. Alors, on va écouter un premier texte ensemble, Raphaël Voix, qui va nous permettre de comprendre comment et pourquoi et à quelle époque ce texte, qui est la Bhagavad Gita, va commencer à être connu dans d'autres pays que ceux de l'Inde, et en fait c'est contemporain d'une popularité, d'un accroissement de la popularité de l'hindouisme vers le monde occidental. Et le texte a même pu inspirer le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Et pour cela, je vous propose d'écouter un discours. Alors le discours est de Swami Vivekananda. Peut-être pouvez-vous nous le présenter avant qu'on entende le texte. Oui, rapidement, Swami Vivekananda est un Bengali qui est né en 1863, qui a été éduqué dans des institutions britanniques. À l'époque, la Grande-Bretagne a installé donc son Raj en Inde. Son royaume a étendu son royaume jusqu'à l'Inde et a construit des institutions dans lesquelles l'enseignement va se faire en langue anglaise. Donc c'est quelqu'un qui parle évidemment couramment l'anglais, mais qui est aussi complètement instruit dans la philosophie européenne, et qui est en même temps un disciple de Ramakrishna, lequel était un mystique bengali. Et Swami Vivekananda se sent investi d'une mission, et il va d'abord, à la mort de son maître, parcourir l'Inde, pérégriner en Inde, puis en 1893, il décide de partir aux États-Unis pour assister au Parlement mondial des religions qui est organisé en commémoration à une exposition universelle qui est célébrée pour l'anniversaire de la découverte de l'Amérique. Voilà, donc nous sommes à Chicago, au cours du Parlement mondial des religions, le 11 septembre 1893. Écoutez le discours extraordinaire que Vivekananda va prononcer. Gardez en tête que ce discours aura été fondateur dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Mes sœurs et mes frères d'Amérique, c'est le cœur plein d'une joie ineffable que je me lève pour répondre à l'accueil si chaleureux et si cordial que vous nous avez réservé. Je vous remercie. Au nom du plus ancien ordre monastique du monde, je vous remercie au nom de la mère des religions, et je vous remercie au nom des millions et des millions d'hindous de toutes les classes et de toutes les croyances. Je suis fier d'appartenir à une religion qui a enseigné au monde à la fois la tolérance et une acceptation universelle. Non seulement nous croyons à la tolérance universelle, mais nous acceptons toutes les religions comme vraies. Je suis fier d'appartenir à une nation qui a donné abri aux persécutés et aux réfugiés de toutes les religions et de toutes les nations du monde. Le Congrès actuel, l'une des assemblées les plus augustes qui se soit jamais réunie, est en lui-même une preuve, une affirmation au monde de la merveilleuse doctrine prêchée dans la Gita. Celui qui vient à moi, quel qu'il soit et par quelque forme que ce soit, je l'accepte. Tous les hommes luttent sur des sentiers qui naturellement aboutissent à moi. Le sectarisme, la bigoterie et leur horrible descendant, le fanatisme, règnent depuis longtemps sur notre globe magnifique. Ils ont rempli la terre de violence. Ils l'ont, à maintes et maintes reprises, inondée de sang humain. Ils ont détruit la civilisation et conduit au désespoir des peuples entiers. Sans ces horribles démons, la société humaine serait beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est actuellement. Mais leur temps est accompli. Et j'espère ardemment que la cloche qui a sonné ce matin en l'honneur de notre congrès a sonné en même temps le glas de tout fanatisme, de toutes les persécutions avec l'épée ou la plume, et de toutes les pensées non charitables envers ceux qui cherchent à progresser vers un même but. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Nous parlons de la Bhagavad Gita cette semaine. Aujourd'hui, dernier temps, le statut universel de ce texte en compagnie de Raphaël Voix qui est avec nous en direct depuis Pondichéry. On a un petit problème de liaison, on essaye de le recontacter. On revient dans un instant. Allô ? Oui, Raphaël Voix, vous nous entendez ? Absolument. Alors, ravi de vous avoir à nouveau parmi nous. C'est effectivement un discours qui va avoir une importance capitale. Il faut peut-être remettre dans le contexte, Swami Vivekananda arrive, comme on disait tout à l'heure, à Chicago, mais il n'est pas invité à ce Parlement. Et c'est par une chance inouïe, il va rencontrer quelqu'un qui va être impressionné par son charisme, par ce qu'il a à dire, et qui va l'inviter au Parlement. Et il va donner ce discours qui va avoir un retentissement très important. Mm-hmm. Parce que, au fond, il va représenter une sorte de retournement de la situation. Ce Parlement avait été convoqué en partie pour affirmer, pour rechercher une sorte de religion universelle en convoquant des représentants de différentes religions du monde, beaucoup de représentants venus d'Asie. Et la finalité était d'affirmer, au fond, la suprématie du christianisme. Et Vivekananda va retourner cela par sa première phrase en parlant, en saluant la foule, en disant « mes frères et sœurs d'Amérique oui. ». En montrant qu'au fond, ils font partie d'une même famille. Et on dit que cette première phrase a été suivie de beaucoup d'acclamations. Mais aussi, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'il va montrer qu'au fond, cette religion peut-être universelle qui était recherchée à l'époque, eh bien, existe déjà et qu'elle existe dans l'hindouisme qui serait beaucoup bien antérieur. Et au fond, il va affirmer la suprématie d'un point de vue spirituel de l'Inde sur l'Europe, les États-Unis. Oui, c'est une drôle conception de l'universel quand même. Il dit pas que c'est universel, il dit que c'est un texte qui est au-dessus de ceux à qui il s'adresse, non ? Exactement. Oui. C'est un texte qui est au-dessus de ceux auxquels il s'adresse. Mais au fond, d'ailleurs, la phrase l'illustre, puisqu'il cite la Bhagavad Gita, la phrase, il rend compte de ce qu'on appelle le théisme, et que la Bhagavad Gita est un exposé, au fond, de cette conception de la divinité. C'est l'idée, au fond, qu'il y a un Dieu qui est supérieur aux autres. C'est pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a différents dieux, mais il y en a un qui va avoir une prééminence sur tous les autres. Mmh. Et il utilise au fond cette phrase de Krishna qui dit « Celui qui vient à moi, quel qu'il soit, par quelle forme que ce soit, je l'accepte. Tous les hommes luttent sur des sentiers qui naturellement aboutissent à moi. » Et donc, il permet effectivement à ce texte d'avoir cette ouverture à différentes voies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que suite à ce discours, il va commencer à enseigner à des petits groupes de chercheurs spirituels aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il va employer pour donner un enseignement spirituel ? Eh bien, il va employer ce texte. Mmh. Et ça va devenir une sorte de modèle, au fond. C'est-à-dire beaucoup ensuite de gourous qui suivront, qui feront le voyage de l'Inde aux États-Unis ou en Europe, se serviront de la Bhagavad Gita comme support pour la transmission d'un enseignement spirituel. Mais alors, au moment où il prend la parole, donc je rappelle, on est en 1893, qu'est-ce que le reste du monde connaît de l'hindouisme ? Alors, au moment où il parle, évidemment, c'est un homme de son temps, il hérite déjà d'une certaine conception de la Bhagavad Gita. Ce n'est pas lui qui invente ce potentiel universel, disons, de la Bhagavad Gita. Mais puisque la Bhagavad Gita a été traduite pour la première fois toute fin du XVIIIe siècle, et c'est intéressant d'ailleurs de voir les transformations de cette Bhagavad Gita. C'est-à-dire qu'à la première fois qu'elle est traduite par Wilkins, qui est un employé de la Compagnie des Indes Orientales, eh bien, il l'a traduit et dans sa préface, il explique qu'au fond, c'est un texte intéressant. Pourquoi ? Pour son exotisme. Parce qu'il nous dit des choses, finalement, sur ces mœurs hindoues lointaines et qui nous sont, au final, très étrangères. Il n'y a pas du tout l'idée que la Bhagavad Gita pourrait nous intéresser pour autre chose que son exotisme. Et à l'époque, d'ailleurs, cette traduction connaît un succès relatif et la Bhagavad Gita n'est pas retraduite pendant presque un siècle, un petit peu moins, mais presque. Et c'est à la fin du 19e siècle, au début des années 1880, en 1882, qu'elle va apparaître dans une série de textes de Max Müller, une série de textes qui s'appelle « Les textes sacrés de l'Est, de l'Orient ». Et donc là, tout d'un coup, elle prend une autre connotation, c'est qu'elle devient un texte sacré, pas juste un texte qui révèle des mœurs ou des conceptions du monde exotiques. Mmh. Et donc, elle rentre déjà, et là, on voit déjà s'opérer un dialogue entre l'Europe et l'Inde, puisque le traducteur, pour Max Müller, qui est européen, le traducteur, lui, est indien. Et puis, suite à cette traduction, eh bien, il y a une autre traduction qui va ouvrir encore plus le public européen et anglophone à ce texte. C'est la traduction du poète Edwin Arnold, cette traduction qui s'appelle « Le chant céleste ». Donc, quand, pour répondre à votre question, quand Vivekananda prend la parole en 1890, les gens ont déjà, et ce public notamment, a sans doute déjà entendu parler de ces textes, notamment au travers d'un mouvement important qui s'appelle la Société théosophique, qui naît dans les années 1880 à New York et qui est dans cette quête d'une religion universelle et qui va aller chercher dans différents textes hindous, mais pas que, des éléments pour transmettre un enseignement spirituel. Donc le public est déjà ouvert à ça. Mais ce qu'il y a de nouveau là, et ce qui est très important de noter, c'est que pour la première fois, il y a une personnalité qui l'incarne. Et cette personnalité, c'est pas n'importe qui, c'est Vivekananda qui arrive, qui est un personnage charismatique, qui est quelqu'un qui parle bien, on le voit, son discours est un beau discours, d'ailleurs, qui est assez émouvant, si on le réécoute. C'était prononcé un 11 septembre, quand il fait appel au sectarisme, à la bigoterie, au fanatisme, ouais. En espérant que ce soit la fin de tout ça, grâce à l'arrivée de son enseignement. Évidemment, c'est assez émouvant d'y repenser. Mais il arrive aussi, il incarne, si vous voulez, un prototype un peu du yogi qui s'invente d'ailleurs complètement. C'est ça qui est remarquable dans ce geste, c'est qu'il se présente comme appartenant à un ordre de moines le plus ancien, je crois. Il dit quelque chose comme ça au nom de l'ordre du plus ancien ordre monastique du monde. Or, il vient simplement de s'auto-initier dans le renoncement avec un groupe de co-disciples de Ramakrishna. Il n'appartient pas du tout à une secte ancienne. Et il se présente avec une tunique orange, un turban orange. Donc, il y a quelque chose de très démonstratif également dans cette posture et qui va devenir presque iconique. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentations de lui. Alors voilà, et avant d'essayer d'explorer les effets justement de ce discours et de voir comment le texte va continuer à innerver la culture occidentale, parce que ça n'est que le début à ce moment-là, juste un tout petit saut en arrière, parce que vous parliez de cette première traduction qui a rendu le texte connu dans le monde occidental de Wilkins en 1785. Bah, je précise que dans les milieux des philosophes, et notamment les philosophes, les romantiques allemands, le texte a été lu et connu. On sait que Goethe, Herder l'aimaient beaucoup, et Schlegel également. Il y en a un qui est beaucoup plus critique, et c'est assez amusant, c'est Hegel. Hegel trouve que bon, bah, finalement, la Gita était pauvre conceptuellement. C'est ainsi qu'il le dit. Ce qui renseigne en fait ce débat à ce moment-là chez ces philosophes-là, renseigne sur la lecture du poème. La question qui les intéressait, c'était de savoir si ce texte est universel, selon leur point de vue, hein, selon leur définition de l'universel, ou bien, disons, orientaliste, exotique, comme vous le disiez, auquel cas il fallait le laisser cantonner à cette sphère du monde. Oui, et d'ailleurs cette question de l'universalité ou non de la Gita, c'est une question presque paradoxale, puisqu'un des enseignements précisément de la Gita, c'est de dire à Arjuna, eh bien, toi, tu dois faire ton devoir en tant que Arjuna, c'est-à-dire en tant que guerrier. Mmh. Donc il n'y a pas d'ordre qui serait valable pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas de commandement universel. Il y a simplement une attitude à avoir en fonction de sa nature propre. C'est ça. Et alors, dans la lignée, justement, donc on a entendu le discours de Vivekananda, et je disais à quel point ce discours avait pu compter dans le début de l'appel à l'indépendance de l'Inde. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de l'indépendance de l'Inde, on pense à Gandhi, et il y a un lien entre Gandhi et la Bhagavad Gita, on va y venir dans un instant. C'est pas le premier à s'en ressaisir de cette façon-là, mais peut-être disons d'emblée que là, on arrive à deux manières différentes de se référer au texte. Il y a une manière de dire, de voir dans la Gita, justement, une attitude qui est plutôt en faveur de la non-violence, alors que d'autres vont au contraire y voir, y puiser, bah peut-être une forme de justification du recours à la violence pour avancer. Raphaël Voit. Oui, alors peut-être préciser qu'on est à des époques différentes. Au moment où Vivekananda parle, en 1893, l'idée même d'indépendance de l'Inde n'existe pas. Mmh. Et on pense pas à ça. Mais il y a déjà ce premier retournement qui est celui de Vivekananda qui dit l'Inde a apporté quelque chose et c'est très important ce que Vivekananda va amener ensuite à son retour en Inde, c'est qu'il va donner des discours, il va utiliser précisément la Bhagavad Gita pour appeler les Indiens, c'est amusant, à se sauter de courage. Voilà, à reprendre des forces face effectivement à l'Empire britannique. Et ce n'est que à partir du début du XXe siècle, donc une quinzaine d'années après, que la Bhagavad Gita va être employée effectivement pour justifier le combat contre, ou la lutte plutôt, contre la domination britannique, qui prend d'ailleurs pas tout de suite encore la voie de l'indépendance. Et là, il va y avoir des interprétations différentes. Avant de venir à ça, je voulais redire quelque chose par rapport à votre intervention tout à l'heure sur l'universalisme de la Bhagavad Gita. Il y a quelque chose, pour finir sur le texte de Vivekananda, qui est très intéressant et qui fait écho à des préoccupations contemporaines. Vas-y. C'est qu'il pose à la fois l'universalité de la Bhagavad Gita pour le monde. C'est un texte qui est valable pour le monde entier, mais c'est aussi un texte qui est valable pour tous les hindous. C'est une double universalité. Et c'est grâce à ça que ce texte va devenir progressivement un texte iconique, ben, emblématique de la culture hindoue. Ce qu'il n'était pas totalement jusque-là, même s'il connaissait une grande popularité, ce n'était pas un texte de référence qui regroupait tous les hindous. Mmh. Mais alors justement, ça nous permet de faire la transition. C'est qu'est-ce qui, dans ce texte qu'est la Gita, permet de justifier un tel recours à ce texte pour aller dans le sens qui est celui de Vivekananda pendant son discours ou plus tard de Tilak ou de Gandhi. En fait, c'est ça, parce que là, on parle de la réception, de l'utilisation du texte, mais qu'est-ce qui, dans le texte lui-même, justifie ça? Alors, il y a plusieurs types de réception. Chaque auteur va prendre des extraits du texte différent. Mmh. Par exemple, si on prend Gandhi, qui découvre à peu près, alors c'est intéressant parce qu'au moment où Vivekananda parle, en 1893, on a Gandhi qui part en Afrique du Sud et de l'autre côté, on a Sri Aurobindo qui va rentrer en Inde après des années d'études en Angleterre. Donc c'est un moment un petit peu clé et c'est dans ces années-là que cette Bhagavad Gita va être universalisée. Entre 1880, disons, et 1910, elle va être universalisée, c'est-à-dire qu'on va connaître de plus en plus de traductions différentes. Il y a vraiment une explosion, une multiplication des traductions à la fois en langues européennes, mais également dans les langues indiennes. Et il y a un autre trait important qui va permettre ces interprétations, c'est de penser la Bhagavad Gita comme une allégorie. C'est pas un texte qui renvoie à une histoire, c'est pas simplement un texte doctrinal, c'est un texte allégorique. Et donc, beaucoup des interprètes ensuite vont l'utiliser de cette manière. Et ensuite, vous me posez la question, qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui permet d'avoir ces interprétations différentes? Il y a tout, alors, pour Gandhi, ce combat, c'est une allégorie du combat intérieur. Donc, Gandhi ne va pas nier le fait qu'il y a de la violence dans la Bhagavad Gita. Il va dire que cette violence, ce n'est pas une violence externe, c'est une violence allégorique qui renvoie à une dualité, à des conflits internes. Au fond, on ne serait pas des individus, on serait des sortes de individus avec différents éléments en nous-mêmes qui seraient amenés à s'opposer et qui pourrait être éclairé par une autre partie de soi-même qui nous amènerait à poser l'action juste. Et pour Gandhi, ce qui est important dans la Bhagavad Gita, c'est, il le dit, hein, c'est amusant de voir aussi que Gandhi, quand il découvre en fait la Bhagavad Gita à la fin des années 1880 en Angleterre, et il la découvre grâce à des amis européens qui sont théosophistes. Il explique dans son autobiographie qu'il se sentait même un peu honteux de ne pas connaître ce texte, et il le découvre donc avec ses amis. Et il dit qu'il y a des éléments qui le touchent particulièrement, et bien c'est l'articulation entre, au fond, le désir et la violence. Mmh. Comme s'il y avait une sorte d'enchaînement nécessaire, qu'une action qui naîtrait du désir engendrait nécessairement de l'attachement et du coup, éventuellement une colère, si jamais de l'attachement vis-à-vis aux fruits qu'on attend de cette action, et du coup, éventuellement une colère si les fruits n'étaient pas ceux auxquels on s'attendait, et donc une violence. Je schématise un petit peu, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il va trouver donc dans la Bhagavad Gita un instrument pour soutenir, pour défendre l'idée d'une action qui serait non violente, et il va étendre cette action non violente à l'action politique. Vers la fin de ma seconde année de séjour en Angleterre, le hasard me fit rencontrer deux théosophes, frères et célibataires tous deux. Ils me parlèrent de la Gita. Ils étaient en train de la lire dans la traduction de Sir Edwin Arnold, Le Céleste Chant, et ils m'invitèrent à l'étudier avec eux dans l'original. Je fus pris de honte, n'ayant lu ce divin poème ni en sanskrit, ni en gujarati. Je fus contraint de leur avouer que je ne connaissais pas la Gita. Mais je leur dis que je serais heureux de la lire avec eux et que si je n'avais que de maigres connaissances en sanskrit, j'espérais cependant être à même de comprendre l'original dans une mesure suffisante pour les avertir des passages où la traduction trahissait le sens. J'entrepris donc cette lecture avec eux. Les vers du second chapitre firent sur moi une profonde impression et résonnent toujours à mon oreille. Le livre me frappa. Il me parut d'une valeur inappréciable. Cette impression n'a fait que croître en moi depuis lors, et le résultat en est que je considère aujourd'hui cette œuvre comme le livre par excellence d'initiation à la connaissance de la vérité. J'y ai puisé une aide inestimable aux heures d'abattement. Si je lus la Gita en compagnie de ces deux amis, je ne saurais prétendre l'avoir vraiment étudiée alors. Ce ne fut qu'après quelques années que j'en fus ma lecture quotidienne. La Bhagavad Gita a été écrite il y a 5000 ans pour Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Dans la Bhagavad Gita, il y a la science pour comprendre Dieu. Et donc, dans cette introduction à la Bhagavad Gita, nous exposons le fait que l'homme doit comprendre la Bhagavad Gita comme cela est indiqué dans le texte d'origine. Il y a une direction qui est donnée sur la façon de le lire. Les gens lisent la Bhagavad Gita sans suivre cette direction. Pour rendre cela compréhensible, nous avons comparé cela à la manière dont vous pouvez prendre un médicament. Il y a des indications sur la boîte, la posologie par exemple. De même, pour comprendre la Bhagavad Gita, vous devez accepter de suivre les instructions données par son auteur, Krishna. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On passe la semaine en compagnie de la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, en compagnie de Raphaël Voix, qui est avec nous en direct depuis Pondichéry. Vous avez entendu un texte de Gandhi qui raconte comment il a découvert ce texte-là pour la première fois. Vous y faisiez référence, Raphaël Voix, donc j'en ai lu un court extrait. Et puis, vous aurez peut-être, vous, en tout cas, reconnu la voix que nous venons d'entendre et qui propose une autre lecture de ce texte, justement. C'était Prabhupada. Est-ce que vous voulez nous le présenter, Raphaël Voix? Oui, alors Prabhupada, c'est un Bengali également, d'ailleurs, comme Vivekananda, disciple d'une tradition religieuse qui voue un culte à Krishna et qui est une tradition ancrée au Bengale, ce qu'on appelle le vishnouisme bengali. Et il a reçu de son maître, dans les années 30, l'injonction à aller diffuser l'amour de Krishna, la dévotion à Krishna, hors de l'Inde. Et il va arriver, et là, le parallèle avec Vivekananda est intéressant, il arrive dans les années 60, à New York, également comme Vivekananda, sans le sou, et il va commencer à chanter le nom de Krishna, et ça c'est intéressant parce qu'il vient d'un mouvement dévotionnel bengali à Krishna qui en fait trouve le cœur de sa théologie non pas dans la Bhagavad Gita, mais dans le Bhagavata Purana, qui renvoie à une autre conception d'un Krishna, du rapport à Krishna, qui est un rapport de dévotion aimante, qui est aussi très émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions, il y a du chant, et c'est un type de dévotion qui est né dans l'histoire de l'Inde après la Bhagavad Gita. Et donc, il veut enseigner cette dévotion, et c'est celui, au fond, qui a initié le mouvement. Alors, une fois qu'il arrive à New York, il va initier ce mouvement qu'on avait appelé de manière populaire les Hare Krishna, mais qui s'appelle l'ISKCON, la Société Internationale pour la Conscience de Krishna, et qui était assez symptomatique, disons, de ces mouvements hindous en Occident dans les années 60, puisqu'on voyait beaucoup de ses disciples en pagne orange, pieds oui. nus, chanter aux sorties des métros les louanges de Krishna. Oui, et puis ça a influencé toute la culture populaire à l'époque. On avait commencé l'émission avec John Lennon, Jimi Hendrix, enfin toute la pop de l'époque se ressaisit aussi de cette influence et de ces chants d'Hare Krishna. Absolument, et George Harrison aussi que vous aviez passé, qui lui est d'ailleurs était devenu un disciple, il était initié au sein de ce mouvement, c'est clair, absolument. Et ce qui est amusant, c'est que lui, il se rend compte qu'en fait, il voulait transmettre le Bhagavata Purana, qui est le texte classique dans sa tradition, et il voyait bien que ça ne fonctionnait pas, alors il s'est mis à traduire la Bhagavad Gita, qui est un texte qui fonctionne mieux parce que c'est dans un genre Upanishad, c'est-à-dire dans un genre de dialogue dans lequel vont être révélées des vérités profondes, spirituelles, et donc qui est beaucoup plus facile d'une certaine manière à transmettre. Et il va traduire cette Bhagavad Gita, mais contrairement à tous les traducteurs jusqu'à présent, il va revendiquer, traduire la Bhagavad Gita telle qu'elle l'est. C'est-à-dire que lui, il l'apprend non pas comme ayant un auteur humain, mais comme ayant un auteur mais divin, qui est Krishna. Il nous dit, je vais vous dire exactement ce que Krishna dit, mais pour que vous compreniez vraiment, il faut que vous soyez vous-même dévot de Krishna. Donc, c'est ça, c'est la lecture littérale. C'est une lecture littérale. Alors, elle n'est pas nécessairement absolument littérale, mais en tout cas, c'est une lecture qui pose que pour comprendre la Bhagavad Gita, il faut établir une relation intime avec Krishna. Et cette relation intime, elle passe par l'initiation au sein de ce mouvement et la récitation d'un certain nombre de mantras de manière régulière et puis l'adoption de certaines pratiques au quotidien. On entendait d'ailleurs dans votre émission il y a deux jours une jeune dévote de Krishna qui a été membre des Hare Krishna. Oui, j'interrogeais d'ailleurs mon invité sur le fait de savoir si on pouvait parler d'une secte ou pas, dans la dérive que la dévotion appelée dans le texte de la Bhagavad Gita pouvait conduire à une sorte de dérive sectaire. Oui, alors c'est toute une autre question, effectivement. En Inde, c'est ce qu'on appelle les Hare Krishna font partie d'une secte traditionnelle indienne, c'est-à-dire une transmission de maître à disciple qui trouve son origine dans une révélation divine. Et en Europe, en Occident, comme effectivement ce groupe s'extrayait un petit peu, disons, du code de la société générale, il a été qualifié comme secte. Mais là, on est dans un débat un petit peu différent parce que, c'est, au fond, ce terme secte ne renvoie pas la même chose en Inde et en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait que vous avez entendu de Prabhupada, on entend, alors il disait, ce texte est une sorte de science pour comprendre Dieu, il faut le consommer comme un médicament. Peut-être est-ce le début, je rappelle que sa traduction à New York, Bhagavad Gita, as it is, telle qu'elle est, c'est de 1972, est-ce le début, Raphaël Voigt, d'une sorte d'ouverture à des interprétations très diverses Et peut-être, pour le meilleur comme pour le pire, voici notre archive. Attention, là, c'est très différent. C'est la Bhagavad Gita expliquée en 10 minutes. Il s'agit de Gaur Gopal Das, qui en fait, disons, une clé du management aujourd'hui et qui compare le texte au roi lion. Krishna only acts as a facilitator. And empowers Arjuna to understand. Krishna n'agit qu'en tant que facilitateur et oblige Arjuna à comprendre qu'il est bien plus puissant que ses ennemis. C'est un peu comme dans le Roi Lion. Simba a des amis comme Timon et Pumba et il commence à agir comme eux. Et puis Rafiki arrive et invoque l'esprit de son père. Et son père lui dit qu'il est bien plus fort que Scar. Donc, tous les jeunes gens doivent comprendre qu'ils sont bien plus puissants que ceux qu'ils sont pour l'instant. Leurs confusions sont plus petites qu'eux, leurs problèmes sont plus petits qu'eux, et ils ont la capacité de travailler sur la douleur qu'ils ressentent. Je pense que c'est là où la Gita aide beaucoup, car elle vous aide à construire une confiance, une force, un courage. J'ai le pouvoir. Gaur Gopal Das est un coach indien de développement personnel. Il est membre de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Et il propose son interprétation du texte de la Gita, Raphaël Voix. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, bon, ce que ça m'inspire, c'est peut-être justement que la Bhagavad Gita inspire elle-même. Oui. Et elle a inspiré tout au long de son histoire, mais de manière beaucoup plus frappante à partir des années 1880, quand elle sort de son contexte d'origine, de son aire culturelle d'origine, elle va effectivement inspirer des interprétations assez différentes. Et au fond, pourquoi elle inspire autant de choses? Eh bien, peut-être parce que c'est un texte que Barthes appellerait de scriptible. C'est-à-dire que c'est un texte, quand on le lit, on a envie d'écrire soi-même. On a envie de composer quelque chose. C'est un texte, au fond, qui, une fois qu'on a fini de le lire, il continue à résonner en nous-mêmes. Contrairement à, par exemple, un roman de gare dans lequel chaque lecteur aurait la même expérience. Agréable, très agréable, mais la lecture s'arrête à la fin, une fois qu'on a fini de lire l'œuvre. Ou comme une série télévisée peut-être. On passe un bon moment, mais ensuite ce moment est terminé. Eh bien, la Bhagavad Gita, comme d'autres œuvres scriptibles, est une œuvre qui continue à résonner en soi-même et qui appelle donc à des nouvelles allégories, à des nouveaux questionnements. Et c'est la raison pour laquelle on peut être amené à retourner ensuite dans la Bhagavad Gita. Mm-hmm. Tout à l'heure, vous disiez que Gandhi en avait fait son ouvrage de chevet, qu'il y retournait tous les jours et qu'il y puisait des choses différentes. Et on voit ça également dans beaucoup de commentaires. Si on suit l'évolution des commentaires de certains maîtres, leurs commentaires évoluent au fil de leur œuvre. On voit qu'ils trouvent dans la Bhagavad Gita des choses différentes même au cours de leur vie. Ou bien qu'ils vont prendre des éléments différents de la Bhagavad Gita en fonction du public auquel il s'adresse. C'est ça. Pour transmettre des messages différents. Vous avez une position neutre, j'ai l'impression, par rapport à toutes ces interprétations. C'est-à-dire que pour vous, toutes ces interprétations se valent. Il n'y a pas une bonne lecture ou une mauvaise lecture de la Bhagavad Gita. Et oui, évidemment, parce que je suis anthropologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont faire de ce texte. Comment ce texte va pouvoir les amener à agir dans ce monde et comment ils vont pouvoir s'en servir. Mais plus fondamentalement, je pense qu'il ne peut y avoir une seule interprétation de la Bhagavad Gita du fait des caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du texte lui-même, à la fois par la langue, mais aussi par la diversité des positions philosophiques qu'il va adopter. Et d'ailleurs, puisqu'on l'a pas encore évoqué, on l'a évoqué peut-être rapidement, c'est un texte qui va devenir un texte très important dans le mouvement nationaliste, hein, qui va prendre une place prééminente. On l'a vu pour Gandhi, où il va justifier un travail sur soi pour essayer de s'engager dans une action qui serait dénuée de désir et donc une action non-violente. Et peut-être c'est important de dire ça, cette non-violence-là, ça n'implique pas la non-utilisation de force pour obtenir quelque chose. C'est le non-désir de faire violence. En fait, la himsa, la non-violence, c'est le non-désir de porter atteinte à autrui. Mais on voit bien que on peut mener des actions et utiliser la force au nom de l'ahimsa, à condition que cette action ne soit pas guidée, disons, par un désir de faire violence. Alors, l'action, par quoi va-t-elle être guidée? Eh bien, par le désir de faire le bien du monde. Et ça, c'est quelque chose qui va être crucial. Eh bien, pour ce désir de faire le bien du monde, certains indiens, Aurobindo, Tilak, et puis d'autres, vont effectivement utiliser la Bhagavad Gita pour justifier le recours à la force pour pouvoir impressionner l'Empire britannique, pour pouvoir aussi soulever peut-être les masses et ainsi lancer une sorte de mouvement de rébellion contre la domination britannique. Et la Bhagavad Gita va justifier, certains extraits de la Bhagavad Gita vont justifier cette action, cette force. Oui, et je citais en début d'émission le discours d'Oppenheimer, hein, on l'a entendu, donc le directeur scientifique qui était en charge de la production de la première bombe atomique et qui cite la Gita au moment où le premier champignon explose dans le désert du Nouveau-Mexique. Il y a quelque chose de glaçant là, de se dire que finalement, il cite la Gita comme étant un texte qui lui a servi de guide d'action. Et il, évidemment, le passage qu'il cite, c'est le moment où Krishna dit « Mais je suis le Dieu qui vient dévorer tous les mondes ». Comme si ça justifiait. Il y a forcément quelque chose qui met mal à l'aise ici. Absolument. Et puis, il y a quelque chose qui met d'autant plus mal à l'aise, c'est qu'au fond, c'est comme s'il justifiait ça par un texte qui n'était pas un texte de sa culture, comme si, au fond, c'est pas la domination occidentale. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui a été évidemment très critiqué là-dedans. Et pour répondre plus profondément encore, peut-être à votre question sur est-ce qu'il y aurait une interprétation plus juste ou est-ce que toutes les interprétations se valent, je voudrais vous donner un exemple précis pour vous voir à quel point on peut avoir une lecture différente de la Bhagavad Gita. Un des enseignements clés de la Bhagavad Gita, c'est l'idée que Arjuna doit faire son devoir. C'est que son devoir d'État. Hein, à un moment, il lui dit « Tu es guerrier, eh bien, tu ne saurais t'écarter en tremblant face à la bataille, car pour toi, pour l'homme de guerre, selon la loi sacrée de son État, il n'y a pas de bien supérieur à la bataille. » Donc, si on l'interprète d'une manière littérale, cela voudrait dire qu'au fond, on doit suivre le devoir qui nous incombe de par notre varna. Mais qu'est-ce que c'est que ce varna? Qu'est-ce que c'est que cette classe sociale? Est-ce que c'est quelque chose, au fond, qui est héréditaire, dans lequel on est une fois et pour toutes, dont on ne peut pas changer au cours de sa vie? C'est ce qu'on appelle les castes, ce dont vous parlez, le dharma? Alors, c'est... Non, c'est le varna, alors on peut le traduire par caste, mais ça peut être un petit peu, c'est plus simple de le traduire autrement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le système des castes, c'est effectivement très très très grand nombre de communautés religieuses qui sont auxquelles on appartient par la naissance et qui étaient traditionnellement associées à une profession particulière. Le varna, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle des classes socio-religieuses ou des ordres, d'une certaine manière. Et ça, c'est au fond une catégorisation de l'humanité en quatre grandes classes. Le brahman, qui a comme fonction de transmettre la connaissance. Le guerrier, qui a comme fonction de protéger la communauté. L'artisan qui a comme fonction le commerçant qui a comme fonction de produire des avoirs qui vont être comment pouvoir échanger et puis les serviteurs qui vont être servis. Et ça, ces quatre classes, c'est quelque chose qui ce sont quatre classes qui sont présentées au sein des Védas comme étant une révélation. Et donc c'est quelque chose qui pour un hindou qu'on ne peut pas mettre en cause. Oui. Donc ni Gandhi, ni Sri Aurobindo, ni aucun maître contemporain ne penserait évidemment à mettre en cause cette classification. Alors que c'était tout à fait des gens qui étaient opposés au système des castes tel qu'on le voit à l'œuvre, qui sont des communautés bien plus nombreuses, hein, des dizaines de milliers de castes, qui s'insèrent au sein de ces varnas. Donc la question du varna, c'est est-ce qu'au fond, c'est quelque chose qui est héréditaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui serait lié à sa nature propre, mais non pas à sa nature liée à sa naissance, mais à ses qualités intrinsèques. On peut trouver une lecture du varna, comme liée au mérite, comme on peut trouver une lecture du varna liée à la naissance. Les deux sont vrais dans la tradition. Mais ça change complètement le texte, du coup. Parce que si c'est un varna qui est lié à la naissance, eh bien, c'est un texte qui, d'une certaine manière, va valider l'ordre existant. Ça va être un texte qui... On ne pourra pas se rebeller contre sa naissance, d'une certaine manière. Tandis que si c'est lié à ses aspirations personnelles, eh bien, c'est un texte qui va pouvoir... Non seulement on va pouvoir se rebeller contre l'ordre, mais c'est un texte qui va avoir une propension beaucoup plus universelle. Parce qu'évidemment, cette distinction de la société en quatre varnas, c'est pas quelque chose qui existe de la même manière dans d'autres cultures. Au fond, s'il a le même statut que les autres textes religieux, c'est-à-dire que selon les passages sur lesquels on s'arrête et selon l'interprétation qu'on en propose, on peut les tirer dans un sens comme dans le sens absolument contraire. Oui. Alors après, évidemment, il y a des limites, sans doute. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'approprier ce texte, mais c'est pas parce que un texte, disons, est potentiellement sans fin que tout acte d'interprétation va avoir une fin heureuse. Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Il y a évidemment une nébuleuse de significations qui sont limitées. Par exemple, il y a eu des interprétations contemporaines de la Bhagavad Gita. Des interprétations matérialistes ou communistes de la Bhagavad Gita. Ouais. Elles ont connu moins de succès. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, vous le soulignez, la Bhagavad Gita, elle est employée pour dans certaines écoles de commerce en Inde pour justifier un certain type de management ou un certain type de leadership, ce qui évidemment semble là pour le coup. Là, oui, ça, je veux bien le concéder, absolument paradoxal, voilà. Puisque la Bhagavad Gita prône quand même une action non intéressée. Mais non intéressée à des fins personnelles, ça c'est important de détailler. On s'arrêtera là-dessus. Encore une fois, cette idée bien du monde est importante. Merci infiniment Raphaël Wa d'avoir été avec nous depuis Pondichéry ce matin. Je rappelle que vous êtes ethnologue chargé de recherche au CNRS et on mettra en ligne une présentation plus précise. Et donc bien sûr, on encourage les auditeurs à lire la Bhagavad Gita dans la traduction qui leur sera accessible. Vous aviez proposé plusieurs chansons pour cette émission des chanteurs qui ont tous été influencés, qui revendiquent un rapport à la Bhagavad Gita. On a commencé avec John Lennon. Voici une des plus belles chansons de Jimi Hendrix, Bold as Love. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the Axis. My red is so confident he flashes trophies of war. Ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a... Sur France Culture, les chemins de la philosophie, Jimi Hendrix, vous l'aurez reconnu évidemment, la star des solos de guitare électrique. Il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour chère Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que l'islamo-droitisme? Alors, à l'origine, c'est un puissant courant qui structure la droite française au moins depuis les années Sarkozy. Pour faire simple, il s'agit de la transformation de l'islam de France en problème. Alors on sait, notamment depuis les travaux de Milner sur le problème juif dans son pamphlet de 2003, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, ce qu'il en coûte de poser une question comme problème. Le problème appelant sur lui ce que Milner appelait l'universel simple de la solution. Or, la question juive en Europe, c'était la thèse de Milner, avait plutôt trait à ce qu'il appelait universel compliqué. Alors tout cela a presque 20 ans, mais il me paraît, avec le recul, qu'on trouve dans ces débats un peu désuets la trace de quelque chose qui mériterait peut-être d'être mobilisé à nouveau, alors que c'est aujourd'hui la question de l'islam qui hante la France et que l'universel simple de la solution paraît dangereusement hégémonique. Le récit d'une lutte à mort entre l'islam et la République est ainsi durablement installé dans nos imaginaires. On l'y a installé, probablement. Comment ça, on l'y a installé ? Bah, il y a un usage politique évident de l'islam sur un spectre extrêmement large, en fait, qui va du salafisme au printemps républicain. C'est une carte presque magique en politique. La passion de l'islam est si vive dans notre petite république qu'on en viendrait presque à se demander si, sur ce point, celle-ci est toujours bien laïque. C'est le fameux soupçon de l'islamo-gauchisme. Sauf que la droite ne fait absolument pas mieux, sinon bien pire, elle qui s'interdit désormais de penser à l'islam sans trembler pour la République. L'islam, c'est fascinant à voir, est devenu le point de bêtise de la droite. Et on sait que la droite est intrinsèquement liée, au moins depuis Flaubert, on le sait, à la bêtise. Non pas qu'elle soit spécialement bête, bien sûr, quoi que cela puisse lui arriver, mais plutôt qu'elle est terrifiée par la bêtise, qu'elle la croit inguérissable et qu'elle ne se connaît en dernier lieu pas d'autres adversaires. D'où son goût pour l'ordre et le conservatisme, seule façon, à ses yeux, d'éviter les dégâts de cette toujours trop populaire passion. Le problème, c'est que depuis quelques années, la droite arrogante a fini par oublier sa phobie de la bêtise et s'est mise à vouloir rivaliser d'intelligence avec la gauche, sa vieille rivale qui croit que par l'éducation, on viendra toujours à bout de la bêtise. La gauche qui, depuis l'après-guerre, fournit à la France l'essentiel de ses intellectuels au point de ridiculiser un peu la droite. La droite de ma jeunesse, ainsi, c'était la bonne gestion et la réponse sécuritaire et c'était à peu près tout. Complexée, celle-ci serait finalement devenue gramscienne, serait redescendue bravement dans l'arène des idées. Il lui fallait un ennemi. Le meilleur qu'elle ait trouvé, c'était l'islam. Et si cela ne suffisait pas, une gauche confuse et laïcarde s'est adjointe à elle en lui offrant son propre adversaire, un adversaire presque choupinet tant il était minuscule à la portée de ses éditorialistes les plus paresseux. Je veux parler de l'islamo-gauchisme. Donc si je vous suis bien, en fait, ce serait ça. L'islamo-droitisme, ce serait la conception à seule fin de le réfuter de l'islamo-gauchisme. Eh oui, c'est tout à fait une part du plan, mais pas la plus mauvaise du point de vue machiavélien. Mais ce qui s'est passé, à la place, le résultat de tout ce travail de reconquête d'une légitimité intellectuelle, c'est que la droite, soudain, s'est mise à croire anormalement fort à son adversaire et que, continuant par conformation avec son ontologie politique à voir de la bêtise partout, elle en a mystérieusement absous son principal adversaire. Tout le monde était devenu un imbécile, insoumis, nos civilisations trop faibles étaient quasi condamnées, la seule lueur d'espoir étant à trouver du côté de cet islam maudit qu'on sentait capable de tout, à commencer par asseoir sa domination sur ce lieu que la droite convoitait en vain depuis tant d'années, l'université elle-même, ce repère fameux d'islamo-gauchisme. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, Nicolas Berger qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. La prise de son aujourd'hui, vous l'aurez bien sûr reconnu, c'était Jean Frédérics. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour un nouveau cours particulier. J'aurai le plaisir de recevoir Michel Cohen-Halimi. On se demandera, cours particulier s'il en est, comment Nietzsche est-il devenu philosophe ? D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien grâce à l'application Radio France. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.